Amen. J'aimerais tant faire la paix avec toi, avec moi. Ouais, mais non, ma bête noire me laisse pas assez d'espace. Je suis toi, tu es moi. Je sors même de ta mère. On sort de la même merde. Et pourtant, tu m'agresses. Je vais te faire fondre la graisse. Je vais faire ton adresse. Te montrer mon adresse quand je chante de la messe. On dira dans la presse que c'est à cause de la haine qu'on était des sauvages, des otages du naufrage. Des ados sans repère, des adultes trop amers. On m'adule, c'est la fête. Je les insulte, c'est la merde. On m'a pris pour un clown, on m'a pris pour un fou. Pour un faux, je fais des sous plus que toi, malinfo. Licence 2, matin faux, sert à rien, je travaille pas. Je reste tranquille, je racaille pas. Je reste sous le drap comme kachacha. Quand je me lève, je veux les mettre, je veux les tienne dans la ruelle. Fuck un duel, je vais leur chier dessus comme une mouette. Je vais les chasser au mot wet. Exploser sur le bar, je tire une barre et souris. J'ai le cœur noir et pourri. J'aime le soir. Y'a moins de monde, y'a ma bœuf, y'a ma blonde, y'a ma queue, y'a ma blonde. C'est Valdeux, t'as la bombe, bon bon bon. Bah voyons, t'as pas de chance, t'es pas beau, t'as pas d'argent. T'es un chien, t'es navrant, donc t'agis comme fils de pute. J'espère que tu pries Jésus, quand le maton te brise le cul. Sur ta tombe je pisse dessus, croque mort demande qui es-tu. J'ai le seum, j'apprends à l'assouvir. Commence vite à courir, à ton secours, personne va à courir. J'aimerais tant faire la paix avec toi, avec moi. Ouais mais non, ma bête noire me laisse pas assez d'espace. Je suis toi, tu es moi, je sors même de ta mère. On sort de la même merde, et pourtant tu m'agresses. Je vais te faire fondre la graisse. Je vais faire ton adresse. Te montrer mon adresse quand je chante de la messe. On dira dans la presse que c'est à cause de la haine qu'on était des sauvages, des otages du naufrage. Ferme ta gueule, j'ai le seum. Je noie mon seum, dans le rhum. Dans ta rhum, dans les lums. Wesh le dum, j'ai le seum. J'ai le seum, j'ai le seum. Qu'est-ce que tu crois, je vais pas lâcher. Sur la croix, je serai calaché. Chaud patate, je suis arraché. Calme-toi, je vais te faire un chèque. Ou bien te raser la ch'tec. Ou bien te fracasser la tête. Pour t'abîmer, je m'affaire. Je me rappuie et je me rappelle. Faut que je retourne à mes affaires. Pour un billet, tu patines. Pour un billet, suce ma bite. Y'a que pour nier que tu t'appliques. Attends, j'ai un truc à dire. Je t'aime, salope, tu m'attires. J'ai toujours le doigt sur ton clit. J'crois ta chatte et putain clic. J'me réveille dans Max Ancien, pas dans nouvelle Bugatti. J'me rappelle de à l'ancienne, quand sourire c'était plus facile. Quand mourir me faisait peur, quand Forrest Gump me brisait le cœur. J'crois j'vais prendre un revêt de plus. J'en ai marre de rêver de meurtre. J'ai le seum et l'oreille jusqu'à être libre. J'aurai le seum jusqu'à être vif. Demande-moi une garantie si tu veux disparaître vite. J'aimerais tant faire la paix avec toi, avec moi. Ouais mais non, ma bête noire me laisse pas assez d'espace. Je suis toi, tu es moi, je sors même de ta mère. On sort de la même merde et pourtant tu m'agresses. Je vais te faire fondre la graisse. Je vais faire ton adresse. Te montrer mon adresse quand je chante de la messe. On dira dans la presse que c'est à cause de la haine qu'on était des sauvages, des otages du naufrage.